go, c'est comme si on jouait la finale. Ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère que t'attendais pas un signal. Je monte dans les Clio, les vaisseaux, lumière des gyros sur le visage. J'ai de m'envoler, j'étais jeune et affamé, devant la tour à revendre des barrettes. La police va se ramener, mais je veux m'en sortir, donc qu'est-ce qui m'arrête? Je tire sur le bilan, j'ai le bon filon. Bécane, il faut le bidon. RS4, plus de guidon. YZ, on va le frotter. Égarpillé dans la côte d'Azur. Et plus quand ils sont à côté. Si c'est bien vu là, mon pote, t'assure. Et ta pour qui tu sors de la cité aussitôt. Si on te retrouve, on va te faire une Pascal au pistolet. Cette semaine, c'est tendu. Le charbonneur se fait péter. Petit, est-ce que t'as bien entendu? L'histoire fait que se répéter. Tous les jours c'est le fuego, c'est comme si on jouait la finale. Ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère que t'attendais pas un signal. Je monte dans les Clio, les vaisseaux, lumière des gyros sur le visage. J'rêve de m'envoler, tous les jours c'est le fuego, c'est comme si on jouait la finale. Ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère que t'attendais pas un signal. Je monte dans les Clio, les vaisseaux, lumière des gyros sur le visage. Je vois que les blocs sa mère, je vois que les ports s'amènent, cagoulé pour le salaire, je rêve de m'envoler, eh, eh. Car les enquêtes sont menées, je remets la gomme, je te vends la dose, que ça va aller, eh, eh. La chaud totale, faut mettre du coco, on fait la route. Hein. Quand ça prend les dodans, on est loin des bagages posés dans la soute. J'ai des vrais amis, t'inquiète, on est soudés, il faut à bouffer, puis l'on renouvelé, les chats qui reniflent, mais les clés keufs déguisent. Cette semaine c'est tendu, le charbonneur se fait péter. Petit, est-ce que t'as bien entendu? L'histoire fait que se répéter. Tous les jours c'est le fuego, c'est comme si on jouait la finale. Ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère que t'attendais pas un signal. J'monte dans les Clio, les vaisseaux, lumière des.